Pourquoi j'ai plus de son ce soir? Putain, pourtant je suis fort là. Comment on enlève ça? Des fois j'ai du son, des fois il n'y en a pas sur ce truc. Alors celui-là est plus fort. À moins que c'est ma guitare qui déconne. C'est une vieille Fender, mais elle a un problème. Déjà le bouton. C'est chiant, hein. Attends.